Question intéressante. Quel but peut-on donner à la vie si on n'a pas de libre-arbitre? On va y répondre lors de la deuxième partie. On peut aussi poser la question, quel but peut-on donner à la vie si on croit avoir un libre-arbitre? Mais on va revenir. Alors, l'éclatement de l'arbre. Je demanderais bien aux gens ici de lever la main, ceux qui ont une arme, mais étant donné les projecteurs, je ne vois pas. Alors, ça, je ne pose donc pas la question. Il y a de cela près de 4,5 milliards d'années, un peu avant la veille, une planète a été constituée. Un amas d'énergie est devenu un amas de gaz, qui est devenu un amas de matière, devenu un amas de planète. Et cette planète, en se densifiant, a expérimenté sa propre densification, donc elle a expérimenté, comme dans l'ego de l'homme, sa propre création. Dans la matière, il y a de l'énergie. Dans l'énergie, il y a... La matière est supportée ou exprimée sous une forme de vibration, et dans la vibration, il y a un code, un codifiage, que l'on retrouve aujourd'hui dans nos appareils électroniques et électriques, comme la radio. On émet des ondes hertziennes, et il y a un code dans l'onde, une fréquence aussi, qui permet à des stations de radio, entre autres, de pouvoir décoder, recevoir la fréquence, décoder, retransmettre différemment. Dans la fibre optique, c'est un peu la même chose. Dans la lumière, on met des codes. Et quand on a un décodeur à l'autre extrémité, eh bien, cette lumière devient de l'information. Alors, même si lorsque nous parlons de matière et d'énergie et de mémoire, cela semble un peu éloigné de la conscience ou de le concept qu'on se fait normalement de l'âme ou encore de l'évolution, on sait qu'un appareil photographique prend des photos, donc il mémorise des mémoires photoniques sur une plaque et on doit la révéler avec un révélateur et la fixer pour qu'elle cesse de prendre d'autres photos. On sait aussi que des cassettes enregistrent d'une façon magnétique de l'information, soit une vidéo, soit une cassette audio. Alors souvent, la technique nous prouve que ce que l'antique ésotérisme disait est vrai. Et encore une fois, la majorité des êtres humains ne font pas la relation entre leur vie, leur évolution, leur concept et la technique, la science, la matière. Lors de la création de cette planète, il y a eu l'enregistrement à travers la matière même de cette planète, de sa création, de son événement. Chaque fois qu'une entité matérielle se crée, la mémoire même de sa création cohabite avec. Et la mémoire qui cohabite avec un système créé est ce qu'on appelle une âme. Par contre, ce qui n'est pas créé, ce qui ne se crée pas, ce qui finalement a toujours été, n'a pas d'âme. Parce qu'il n'a pas la faculté d'avoir la mémoire de son apparition, et il n'a pas cette chose, la faculté d'avoir la mémoire de sa création, n'ayant pas été créé. De ce point de vue, Dieu, s'il est éternel, donc s'il n'a ni commencement ni fin, s'il est l'alpha et l'oméga, n'a pas d'âme. Il est esprit. Par contre, l'homme biologique, l'homme matériel, voit sa création. Et dans la création de son corps physique, il y a mémorisation de cette propre création. Dès la fécondation, il y a apparition de l'âme. Au fur et à mesure de l'évolution du fœtus, il y aura évolution de l'expérience que fera le corps de sa propre croissance. Il y aura donc l'évolution de l'âme. Étant donné le contact entre le fœtus et sa mère, par le fait que la mère exprime son émotion endocrinalement, qu'elle sécrète des hormones dans son sang pour que le corps puisse vivre l'émotion, et qu'elle nourrit son bébé de son propre sang, induisant même l'expérience émotive dans le corps du bébé, cette expérience engendre une copie plus ou moins conforme de l'expérience émotive de la mère dans l'expérience amique du bébé. Donc, lentement, l'enfant vivant les émotions de sa mère s'y assujettit un peu plus. Étant donné que l'être humain est un être qui a vu sa naissance, il a une âme. Maintenant, une âme peut être bloquée. C'est-à-dire que lorsque nous prenons une graine et que nous la plantons, la graine a déjà une âme parce qu'elle a été créée. Elle a en mémoire sur sa propre structure la vibration même de sa création, de son apparition. Lorsque nous prenons la graine et que nous la plaçons sur une étagère et qu'on la laisse là, l'évolution de son âme est plus ou moins limitée. La graine va continuer à mémoriser les événements autour d'elle. Très peu. Comme une plaque photographique prend des photos. Si par contre nous plantons la graine et nous l'arrosons, elle va commencer à se transformer et l'énergie vitale qui l'habite va forcer sa structure atomique à constituer une plante à partir des structures atomiques avoisinantes, l'eau, les minéraux, les oligo-éléments, donc, les rayons ultraviolets du soleil. Étant donné que maintenant la graine a une croissance, elle aura une croissance de l'âme, une croissance amique. Tout ce qui un jour apparaît a une âme. Tout ce qui peut vivre une croissance vit une croissance de l'âme. Au fur et à mesure de l'évolution de notre plante, la plante a de plus en plus de matière, donc de plus en plus de matière pour mémoriser. Et étant donné qu'elle croît, qu'elle grandit, elle a de plus en plus d'événements à mémoriser. Alors, son âme grandit en fonction même de son corps. Étant donné la complexité du corps animal, nécessairement, l'expérience même de la création et de la croissance de ce corps engendrera une expérience plus puissante. De ce fait, les animaux auront donc une âme plus puissante. Et c'est pourquoi, ésotériquement, même si on veut bien attribuer une âme très faible aux plantes, juste suffisamment présente pour qu'elle puisse reconnaître ceux qui l'aiment, pour qu'elle puisse mieux pousser si on lui parle, on reconnaît quand même beaucoup plus d'affinités amiques aux animaux. L'âme vient du terme anima, qui veut dire animé, et c'est ce qui anime un corps, ce qui lui donne des désirs, des émotions, et c'est ce qui mémorise. Ésotériquement, ça s'appelle aussi le corps astral. Et l'âme planétaire, le monde astral, le ciel, le monde des morts. Le carnivore doit chasser. Le carnivore vit continuellement au niveau de sa structure atomique, de sa structure biologique, et il vit continuellement le stress de manquer d'aliments. Il vit continuellement le stress de la poursuite. Il vit continuellement le stress du désir, de la tentative de gagner, d'attraper. Et cela engendre une expérience dans sa structure biologique, une expérience dans l'âme, qui fait en sorte que le carnivore devient plus puissant au niveau de son âme, plus belliqueux, plus guerroyeux, et à un moment donné, il finit par établir des territoires qui seront de moins en moins troupales, c'est-à-dire de moins en moins grégaires. Alors, lentement, le carnivore va cesser de vivre en groupe, en clan, et il réduira la quantité d'individus qui auront la possibilité ou la permission de pénétrer dans son âme, dans l'expérience autour de lui. Alors que l'herbivore, lui, ayant une âme plus faible que le carnivore, se nourrit à même les âmes des autres, alors il vit d'une façon très grégaire. Les herbivores aiment bien vivre en troupeau. Chez l'homme, qui a un corps physique plus évolué que le corps animal, qui a un système endocrinien beaucoup plus élaboré, qui a un cerveau beaucoup plus élaboré, et qui en plus est habité par quelque chose qui n'a ni commencement ni fin, par quelque chose qui n'a pas d'âme, par l'esprit. Je ne parle pas d'un esprit dans le sens fantôme, entité. Étant donné que l'esprit a la faculté d'animer le corps de l'homme par l'intermédiaire de ce qui anime le corps, l'âme, nécessairement cette âme acquiert beaucoup plus d'expérience que le règne animal. Et on parlera donc du règne hominal. Le corps physique de l'homme mémorise, création de l'âme, création du corps. Le corps physique de l'homme grandit, croissance du corps, croissance de l'âme. La structure cérébrale et endocrinienne de l'homme permet l'expression émotive de l'âme. Expression émotive de l'âme permet l'auto-énergisation de l'âme, c'est-à-dire que nous pouvons, dans notre corps physique, exprimer nos émotions, et une fois qu'on a exprimé nos émotions, nous pouvons les constatant, nous les remémorisons, ce qui fait que plus on a peur, plus on a peur, plus on est heureux, plus on est heureux, jusqu'à temps que le corps soit épuisé et que l'expression cesse. Étant donné aussi que le corps de l'homme est habité par autre chose que de l'âme, de la mémoire de création, quand je dis souvent en conférence que l'homme est une créature du temps, que l'homme est créé par l'accumulation du temps dans sa conscience, que l'homme est créé par l'accumulation des mémoires dans sa conscience, je parle nécessairement de l'homme psychologique, je parle de l'homme amique, je parle de l'âme. Plus un individu vit comme camionneur, plus il parlera de camion. Il est un camionneur. C'est lui. Et si on dit tous les camionneurs sont cons, il aura l'impression qu'on dit qu'il est con. Si on dit j'ai vu un camionneur totalement imbécile et qu'on attaque le camionneur du point de vue de la parole, si quelqu'un attaque les camionneurs à côté, il aura le désir de le défendre parce qu'il sentira son troupeau attaqué. Mais ce n'est pas l'homme. Un être humain est autre chose qu'un camionneur. Un être humain est autre chose qu'un médecin du point de vue de la mémoire. Un être humain est autre chose qu'un Canadien, qu'un Américain, qu'un Français ou qu'un Québécois. Un être humain est autre chose. Si vous venez au monde en France, vous serez français et fier. Si vous venez au monde au Canada, vous serez canadien et peut-être fier. Mais tout dépend simplement de la mémoire. Et la mémoire est ce qui va déterminer ce dans quoi vous allez vous identifier. Mais je le répète, l'homme est autre chose qu'un camionneur. L'homme est autre chose qu'un Canadien, qu'un Français, qu'un Américain ou qu'un Québécois. L'homme est autre chose qu'un petit pain. Il a toujours souffert. Ah, il est né pour un petit pain. C'est sa mémoire qui lui dit ça. L'homme est autre chose que des stress. L'homme est autre chose que des problèmes qu'il a eus dans son enfance qui l'empêchent aujourd'hui de faire quelque chose. L'homme est autre chose qu'une accumulation de phobies. Et l'homme est autre chose que simplement une série de désirs. Et surtout, l'homme est tout à fait autre chose que de l'émotion. L'émotion est l'expression d'une âme qui veut se nourrir. L'expression de l'intelligence n'est jamais émotive. Alors bien souvent, on va dire « oui, mais il a eu peur » ou encore « il a fait ceci ou cela ». Mais qu'est-ce que vous voulez? On est humain. Yark. Bien souvent, quand on dit « on est humain », on parle de défaut. On ne dit jamais « ah oui, mais il a gagné, il est humain ». Jamais. On dit « qu'est-ce que tu veux, il n'a pas pu résister à la tentation, il a fait ce vol-là, ça faisait tellement longtemps qu'il souffrait, qu'est-ce que tu veux, quand même, il est humain ». Ah oui. Il a été insulté, lui a sauté dessus, lui a cassé la gueule. Il est humain. Sa mère est décédée, il souffre, il est humain. Finalement, chaque fois qu'on parle de problème, de merde, ça s'adresse à l'humain. Mais quand c'est réussi, le pilote, avec un courage énorme, a réussi à poser son appareil. Il a même eu la lucidité d'éteindre tout le système électrique avant que l'appareil touche le sol de façon à éviter les incendies. Mais c'est normal, il est humain. Jamais on dit ça. Pff, jamais. Jamais. Alors, quand on sort comme excuse qu'on est humain, qu'on est faible, qu'on a eu une chute, qu'un jour une femme qu'on ne connaît pas et qu'on ne connaîtra jamais a aidé d'un bonhomme ignare à manger une pomme, et qu'à cause de ça, un Dieu bon et parfait qui pardonne nous punit à travers des millions d'années d'évolution, cela s'adresse à l'évolution fictive et à l'évolution psychologique et émotive de l'âme, de l'homme, de l'humain. Et moi, pour bien différencier l'humain de l'humain, je parle de l'animal humain et je parle de l'être humain. L'animal humain est investi d'une âme et n'a pas conscience de son esprit. L'être humain a peut-être encore une âme. Il est totalement conscient de son esprit. Et ce n'est pas un choix. Mais il est bien évident que les animaux ne se déplacent pas pour venir entendre une conférence, que ce soit de moi ou de n'importe qui d'autre. Que normalement, l'humain entre les deux ou que l'être humain, lui, va se déplacer. Lui va lire la Bible. Que ce soit bon ou mauvais, il cherche. L'animal ne cherche pas. L'âme existe à l'instant où quelque chose est créé. Le corps physique est créé, vous avez donc une âme. L'âme croit au fur et à mesure que ce qui est créé a la capacité de changement, de croître. Alors vous avez donc une âme qui croit. Une âme ne se pose jamais de questions. Une âme s'inquiète. Une âme a peur. Une âme désire. Une âme vit de l'émotion, elle est joyeuse, elle est déçue, elle est frustrée, elle est honteuse, elle est enthousiaste, elle est motivée, elle n'est pas intelligente, elle n'est pas logique, elle n'est pas conséquentielle et elle n'est pas efficace. L'âme appartient à la terre. L'âme appartient à votre corps. Étant donné que ce qui constitue votre corps physique provient de la planète Terre, nécessairement du monde de la mort, du ciel, du monde astral, de la mémoire, de l'âme planétaire, de la mémoire akashique, de la mémoire événementielle, de la mémoire même, qui est apparue lors de la création matérielle de notre planète, de ce monde de la mort, de ce ciel, de ce monde astral, des énergies mémorielles vont nécessairement venir constituer votre âme. Pourquoi? Votre corps physique, tirant sa structure matérielle et atomique même de la planète Terre, nécessairement l'âme qui va le paramétrer tirera sa substance même du monde de la mort. D'où le phénomène de la réincarnation. Et on n'y échappe pas. Ça se réincarne 24 heures sur 24 toute la vie physique d'un être humain. Mais l'homme, ce n'est pas de la réincarnation. L'homme, ce n'est pas de l'âme. Alors, étant donné que l'être humain mange de la viande animale, que l'être humain mange des pommes, des céleris, que l'être humain mange de l'air, il la respire, boit de l'eau, il permet la réincarnation de ses structures. Et c'est pourquoi on a souvent suggéré que la viande rouge était plus néfaste que la viande blanche, contenant du sang plus que la viande blanche, et que le sang est le véhicule même du système hormonal, donc des hormones, qui bien souvent sont sécrétées par la psychologie de l'individu ou de l'animal. Celui qui mange du sang mange des hormones. Celui qui mange de la viande acquiert un peu du karma de l'individu ou de l'animal. C'est pourquoi dans le passé, les indigènes pensaient qu'en mangeant le cœur ou le foie, le cœur pompe du sang, le foie filtre et récipient naturel du sang. Ces individus pensaient acquérir les qualités psychologiques, amiques du défunt, son courage, entre autres. Étant donné que l'être humain, l'être, est apparu, ce que je dis n'est pas vérifiable historiquement, mais remarquez que toute l'histoire n'est pas vérifiable historiquement. On ne peut la vérifier qu'actuellement. Ça ne veut pas dire qu'historiquement, c'est vrai. Ça veut dire qu'actuellement, on pense que c'est vrai. Le corps, la matière, a été suffisamment densifié il y a, on va arrondir quand même, 4,5 milliards d'années, et l'expérience même de la densification de l'énergie en matière, à travers des stades de l'évolution, phénomènes gazeux, etc., électriques jusqu'à la matière, a été mémorisée par la matière même, et c'est cela l'âme de notre planète, cela le ciel et le monde de la mort. C'est là que vont les morts, lorsque le corps physique abandonne. Il y a un peu moins de 4 milliards d'années, à travers des débuts de corps, de corporification physique de la matière, c'est-à-dire qu'à un moment donné, la matière a commencé à être vitalement croissante et elle a lentement commencé à accumuler suffisamment de mémoire pour s'animer, anima, âme. Elle a commencé à avoir des âmes plus individualisées, toujours reliées à une collectivité. Cela a permis la création de ce que nous appelons la vie. La vie est apparue bien avant le phénomène amique. Et un peu plus loin, de l'extérieur même de cet univers, je ne parle pas de l'extérieur de la création. Je parle de l'extérieur de l'univers pour l'instant, et de toute façon, ça provient d'un phénomène extra-créationnel qui n'a ni coordonnées géospatiales, parce que ça n'existe pas, dans le sens que ce n'est pas ni temporel ni spatial. Un phénomène énergétique que l'être humain peut appeler l'esprit, qu'on peut appeler comme on voudra, l'important c'est que l'on comprenne que ce phénomène est extraterrestre en ce sens qu'il n'a pas été créé en même temps que la Terre. Il n'a même pas été créé en même temps que l'univers, il n'a jamais été créé. Il est venu s'immiscer à travers la structure matérielle de la Terre, à travers la structure matérielle des animaux, des âmes. Et il est venu, ce phénomène, s'immiscer à travers toutes les structures animées, amifiées avec une âme de cette planète. Étant donné l'adaptation de certaines structures bio-atomiques, biomoléculaires, biologiques, à des conditions particulières à cette planète, des systèmes de vie ont été éliminés. Alors, ce phénomène que nous appellerons l'esprit pour l'instant se retirait. À travers l'évolution sélective ou l'adaptation sélective des êtres, des systèmes endocriniens sont apparus plus puissants dans certaines espèces que chez d'autres. Une locomotricité séparant les plantes des animaux a permis l'apprentissage de plus de mémoire chez ceux qui avaient la possibilité de bouger. Et lentement, ceux qui avaient une âme de plus en plus puissante avaient des désirs, des émotions et des mémoires plus grosses. Par sécrétion endocrinienne, l'évolution même de l'animal et de l'animal humain a réussi à transformer les corps physiques au cours des millions et même des milliards d'années qui ont suivi. Et l'esprit a fini par faire un choix. C'est-à-dire qu'elle est simplement restée dans le corps animal le plus réceptacle, le plus réceptible et celui qui pouvait le mieux recevoir. Et cet animal, un jour, s'est dressé debout pour différents motifs énergétiques sur lesquels je vais passer. Il a vu son système cérébral passer de l'archéocérébellum du vieux cerveau au néocérébellum au nouveau cerveau. Il a vu l'apparition d'un cortex associatif. Il a vu l'apparition d'un ajustement du point de vue de la glande hypophyse, de l'hypothalamus à son système astral. Et il a vu plusieurs autres phénomènes biologiques, énergétiques, vitales et amiques apparaître. Et l'esprit est resté dans ce corps. Le corps n'appartient pas à l'esprit, il appartient à la terre. L'âme n'appartient pas à l'esprit, elle appartient au monde de la mort, à la terre. Mais cet esprit a besoin d'un corps. Elle a premièrement besoin d'un phénomène tampon, l'âme, pour pouvoir communiquer à l'âme des choses qui seront communiquées au corps sans que le corps ne soit détruit. Donc, lentement, le phénomène espritique va animer l'âme pour qu'elle anime le corps de façon à obliger une sécrétion endocrinienne permanente chez l'homme, de façon à ce que le corps physique vive une cellularisation, une mutation de son vivant, transmissible génétiquement. C'est la seule forme de transmission réelle de l'évolution. Ce n'est pas l'éducation. L'éducation transmet la tradition. La cellularisation, la transmission génétique transmet l'évolution, et c'est pourquoi les jeunes sont de plus en plus rébarbatifs à l'éducation. Ils sont de notre espèce, de notre race. Et l'esprit s'arrange pour ne s'occuper que de l'évolution corporelle au détriment des nécessités de l'âme. Alors, lentement, l'être humain vit heureux. Son âme le lui permet. Vivant heureux, il sécrète. Il sécrète des hormones. Sécrétant des hormones, il se met à trembler. Il rougit, il transpire, il rit ou il pleure. Certains perdent même connaissance, choc psychogénique. Ils vont aux toilettes, ils n'ont plus envie d'aller aux toilettes, ils ne sentent plus leur douleur. Ils ont sécrété des endorphines, par exemple, qui fait que maintenant qu'on est heureux, on sent moins la douleur. C'est une morphine naturelle du cerveau. Ils vont dilater leur rate, permettant certaines choses. Toujours au niveau endocrinien. Et à un moment donné, lorsque le corps physique est devenu tellement solide qu'il ne réagit plus à ses sécrétions hormonales, le malheur s'atténue, le bonheur s'atténue, et on s'habitue au bonheur. Et lentement, l'esprit manipule le phénomène astral collectif planétaire, ainsi que l'individu du point de vue de l'âme, pour qu'il vive des situations où du bonheur, il passera au malheur. La vie sinusoïdale de l'humain ou de l'animal humain. Maintenant, il va sécréter d'autres formes d'hormones, dans d'autres quantités, une qualité différente, dont le corps physique pourra connaître par certains récepteurs spécifiques, et le corps physique va maintenant agir différemment. Personne va sacrer, crier, se mettre en colère. Cela agresse continuellement le corps physique. Toute expression émotive tue le corps physique. Lentement, l'individu finit par devenir cardiaque, angineux. Peut-être qu'il fera un ou deux infarctus au cours de sa vie. Il aura des maux de tête, des migraines. Il aura peut-être de l'hypertension ou de l'hypotension paroxystique. Il aura des tachycardies, des accélérations cardiaques. Il aura des transpirations. Il aura mal au foie. Il aura des ulcères d'estomac. Il aura des problèmes respiratoires. Et lentement, par maladie dégénérescente, il vieillira son corps physique jusqu'au jour où le corps ne peut plus supporter l'âme. Et le corps quitte l'âme. Du point de vue de l'âme, l'âme quitte le corps. Et l'esprit s'en fout. Parce qu'il y a la transmission génétique. Celui qui n'a pas eu d'enfant ou celle qui n'a pas eu d'enfant, ça ne dérange pas rien. Son expérience aura de toute façon colorée, manipulée, perturbée l'expérience des autres âmes dans d'autres corps. Et ceux-là auront transmis leur mutation à leurs enfants. Jusqu'au jour où les corps physiques seront suffisamment animés par de l'âme, que l'âme commencera à créer un intellect, un corps mental. Une copie plus mentale, plus logique, plus animative, sans émotion, de l'expérience qu'elle vit. Et cela se rapproche énormément, beaucoup plus, de ce que c'est que l'intelligence supramentale, le plus bas des paliers des cieux, qu'on peut appeler aussi l'esprit. Alors, lentement, l'être humain qui a simplement une âme, ou l'animal humain plutôt qui a simplement une âme, qui lui fait dire qu'il y a une colère juste, qu'il y a une honte juste, qu'il y a une jalousie juste, qu'il y a une guerre juste, qu'il y a des guerres saintes, sinon des saintes guerres. Lentement, cet être humain commence à se poser des questions. Et ces questions proviennent de son plan mental qu'il est en train d'énergiser. Et ces questions mettent en question la tradition, sa création, la stupidité apparente de la vie, la mort pour une résurrection dans quelques milliers d'années, et toute sa théologie, sa foi, sa croyance et même sa science. Lentement, ce genre de questions vient rendre insécure l'âme, parce que cela ouvre une porte à la réalité, alors que dans l'âme, il n'y a que la coloration de la réalité, la vérité, sinon la coloration de la vérité, le mensonge. Et l'esprit qui descend au travers de l'âme va engendrer quelque chose de neuf, un ajusteur, pour ajuster l'âme. Jusqu'à date, l'intelligence, l'esprit, l'énergie supramentale, ne manipule les troupeaux humains qu'en manipulant les égrégores, qu'en manipulant les dieux dans le ciel, le monde de la mort, et qu'en manipulant le monde de la mort. Finalement, cela engendre des guerres, que personne ne sait pourquoi il se bat, mais on se bat. Jusqu'au jour où l'être humain est suffisamment vibrant, réchauffé, suffisamment mental, suffisamment conscient, il commence à être conséquentiel, il commence à douter de ses actes, il commence à moins se culpabiliser des erreurs qu'il a fait alors qu'il pensait bien faire, parce qu'il se dit que s'il avait su, il ne l'aurait pas fait, donc en partant, il l'a bien fait. Parce que lentement, l'humain commence à douter du passé. Qu'est-ce que c'est douter du passé? C'est douter de la tradition. C'est douter de la mémoire. C'est douter de l'âme. Alors, cela permet à ce qui anime et au plan mental de s'ouvrir vers quelque chose d'autre, de s'ouvrir vers du neuf, de s'ouvrir vers quelque chose qui n'est pas encore mémorisé, qui n'a pas été expérimenté par l'homme, par la terre. Il s'ouvre vers du neuf. Et cela permet à l'esprit, dans un corps animé et suffisamment solide, de créer un canal qui va ajuster l'âme, un ajusteur de pensée. La pensée n'appartient pas à l'homme. La pensée appartient au monde de la mort. Lorsque l'être humain veut dormir, ça pense dans sa tête. Il ne peut pas arrêter la pensée. Il ne pense pas, ça pense. Mais lorsque l'âme offre à la vie, au neuf, à l'instantané, à la réalité, un corps solide, l'intelligence supramentale en ligne, une déconnexion lente de l'assujettissement collectif, du point de vue psychologique, à un assujettissement unique, individuel. Et l'intelligence supramentale bâtit un canal d'ajusteur de pensée qui maintenant va ajuster l'âme de l'individu directement plutôt que d'ajuster l'âme collective auquel l'individu est relié. Alors l'individu qui se rapproche d'avoir ce contact avec son ajusteur de pensée, celui qui se rapproche d'être finalement centré dans son intelligence et non pas dans l'intelligence de la collectivité, va vivre une phase transitive qui va l'obliger à remettre en question l'extérieur, peut-être même à perdre ses amis, à se poser des questions neuves, à rechercher des réponses neuves. Et lentement, construisant son ajusteur de pensée, il va finir par avoir ses réponses neuves. Les réponses neuves, c'est de l'énergie interprétée par la mémoire. Lorsque la mémoire, l'âme, interprète un contact avec l'instantané, l'âme essaie de comparer l'instantané à ce qu'elle a en mémoire. Si elle est catholique, elle va dire « j'ai eu un contact avec Dieu ». Si elle est bouddhique, elle va dire « j'ai eu un contact avec Bouddha ». Si elle est raélienne, elle va dire « j'ai eu un contact avec un Dieu extraterrestre, un être extraterrestre ». Si elle est athée, elle va dire « j'ai eu un contact avec Dieu ». Elle va colorer, adapter. Alors, lentement, l'âme va subir l'assaut massif non plus seulement des événements qui permettaient à l'âme de s'exprimer dans le corps et de sécréter, non plus seulement l'assaut de la vie qui va faire en sorte à un moment donné que tu perds un être cher et que tu Ils l'ont appris. Mais l'âme n'y pense pas, l'âme n'y croit pas, l'âme le refuse, c'est appris, c'est mémorisé quelque part. Et un jour, dans l'expérience de l'âme, subitement, un être cher, une personne qu'elle respectait, qu'elle aimait, une personne qu'elle avait besoin, meurt. L'âme est confrontée maintenant à expérimenter ce qu'elle a appris. Un jour, l'âme se rend compte, après s'être tout fait voler, que voler, ce n'est pas correct. Mais avant de se faire voler, elle faisait du vol à l'étalage, elle volait un peu les voisins, elle empruntait leur tondeuse, et puis elle leur remettait la tondeuse, l'essence, le réservoir d'essence vide. Elle s'arrangeait toujours pour vivre aux dépens de tout le monde. Oh, elle savait qu'apparemment, c'est pas correct. Mais il y en a un qui n'a pas se laissé le faire. Mais à un moment donné, il se fait voler. Là, il expérimente par la vie une chose. Alors que lorsque l'être humain a un ajusteur de pensée opérationnel, on n'a pas besoin de lui voler pour qu'il découvre l'écologie. On n'a pas besoin de tuer autour de lui pour qu'il prenne conscience de l'illusion même de l'âme et du corps physique et de la matière que de vouloir à tout prix conserver des choses et travailler exclusivement en fonction de l'âme, de « est-ce que mes sourcils sont bien corrects? Est-ce que je suis bien peigné? » Lentement, l'ajusteur de pensée donne une gifle magistrale à l'âme. Premièrement, l'âme qui lisait des livres traditionnels ou qui écoutait des orateurs traditionnels finit par voir clairement tous les trous, les lacunes de ce qui est, de ce qui provient du passé. Pas besoin d'expérimenter. Il y a un individu qui va continuellement à la messe et qui va se confesser régulièrement, qui donne des dons un peu à tout le monde et qui aide un peu les gens parce qu'il se sent coupable de ne pas les aider, donc totalement manipulé par son émotion. Et un jour, un accident d'automobile lui arrache un bras. S'il est bien aveugle, il va dire, « Dieu m'aime, il aura pu m'ôter les deux bras. » Sinon, la vie va l'instruire que Dieu vit d'une justice qui échappe à la conscience de l'homme. Et à un moment donné, il pourra peut-être se rendre compte que carrément, les dieux créés par l'homme à l'image et à la ressemblance de l'homme et placés dans la mémoire du ciel par l'homme, bref, que les dieux que l'homme prie se foutent royalement de l'homme. Il va le découvrir un jour. Il n'y échappera pas. Il va tenter intellectuellement d'expliquer tout ce qui arrive sur la terre. C'est l'homme qui est coupable. Dieu lui a donné la liberté de choisir le bien et le mal, sans lui dire ce qui était mal. Un jour, un pape s'est fait dire par Dieu, « Va délivrer le tombeau du Christ en terre sainte. » Cela a engendré les croisades. Aujourd'hui, avec un recul historique, on va dire, bah, ce pape ne devait pas être brillant, peut-être que c'était un faux pape, il n'a quand même eu quelques-uns. Nous sommes plus évolués et nous refusons les explications théologico-historiques. Ça ne marche plus. Et continuellement, au fur et à mesure de l'évolution de nos cerveaux, de nos systèmes endocriniens, de nos sociétés, de notre conscience, nous refusons de plus en plus des explications banales. L'homme peut discerner le bien et du mal, c'est pourquoi Dieu envoie un serpent, dire à Ève de bouffer une pomme. Puis en plus, Dieu leur dit, je mets ceci en plein milieu de votre terrain de jeu, strictement pour que vous ne touchiez pas. Puis en plus, je vais vous dire, qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est l'art de la connaissance du bien et du mal. Vous serez aussi puissant que moi, vous verrez tout. Soyez aveugles. Touchez-y pas. Prenez deux enfants de 2 ans, donnez-leur une arme à feu dans un parc et dites-leur, je mets l'arme à feu là, mais touchez-y pas. S'il y en a un qui tue l'autre, mettez-le en prison, c'est un meurtrier. Alors, lentement, l'intelligence descend et vient expliquer à l'âme que la tradition est une adaptation. Nous avons pris un livre d'astrophysique et nous l'avons adapté pour les élèves de la pré-maternelle. Mais maintenant que vous êtes passé en première année, Il faut comprendre que le soleil n'est pas une lumière, comme dans la maison. Et même si, de la maternelle à la première année, ça l'a pris quelques millions d'années, ça ne veut pas dire que c'est plus vrai. On a dit, pour bien faire comprendre aux enfants de la prématernelle, le soleil, les étoiles, c'est comme des petites lumières. Ça ne veut pas dire que ce sont des lumières. Ça ne veut pas dire que tu vas les changer, que quand une supernova explose, bien, t'en mets une autre. Pas ça que ça veut dire. Puis personne ne l'a frappé pour qu'elle explose, comme quand tu casses ta lampe. Pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que c'est un parallèle intéressant pour permettre à des consciences, à un certain niveau, de comprendre un monde, de cesser de se stresser par « qu'est-ce que c'est? » Alors, on te le dit. On te le dit à un niveau où tu peux le comprendre. Et lentement, au fur et à mesure de l'évolution de la conscience, parce qu'on passe en première année, l'intelligence, par l'ajusteur de pensée, déconnecte l'âme de son contact avec le monde de la mort. Toute la collectivité décide qu'on doit être pour l'avortement. Alors, l'individu va dire, finalement, tu sais, l'avortement, j'y ai bien pensé, puis on doit quand même être pour, il faut respecter les femmes. Alors que le gars, il fait l'amour avec deux fois par semaine, ou trois ou quatre, même si ça ne veut pas. Il faut respecter la femme. Non, l'esprit collectif. Lentement, son ajusteur de pensée va venir chez lui et le tripoter. Et les premiers symptômes seront de dire déjà l'inverse de la collectivité. Ils n'auront pas réfléchi plus. Toute la gang dit ça, moi je dis l'inverse. Comment? Tel film, c'est bon, plein de monde va le voir. Pareil, raison pour que je n'y aille pas. Son ajusteur de pensée commence à faire quoi? Il commence simplement à déconnecter l'âme de ce canal réincarnationnel qui la lie à la collectivité de son ciel, du monde de la mort. L'ajusteur commence à connecter l'âme à quelque chose d'individuel qui ne provient pas du monde de la mort. Eh bien, il est entendu que le corps physique ayant encore son âme, l'âme devra être purifiée pour que l'esprit puisse totalement s'exprimer à l'intérieur et par le corps physique. Lorsque l'âme est plus ou moins déconnectée du monde de la mort et connectée à un ajusteur de pensée, va commencer l'anégoïsation. L'anégoïsation, c'est la mécanique par laquelle l'ego perd de la puissance, du moins perd de la mémoire, et finalement disparaît. Alors, lorsque nous retrouvons dans le corps physique une âme sans ego, une âme qui n'a comme mémoire que le périsprit, le corps vital, une âme qui n'a en mémoire que la forme du corps physique, qui n'a en mémoire que l'information permettant au corps physique de digérer des aliments, de respirer lorsque le corps dort. Nous parlons d'une âme pure. Lorsque je parle de l'éclatement de l'âme, je parle de l'éclatement du foyer même de l'âme, je parle de l'éclatement de l'ego. Je parle de l'éclatement de toute la structure qui fait dire à l'ego, « Sauvons nos âmes ». Alors, l'intelligence descend à travers ce nouveau canal, non pas le canal réincarnationnel qui relie l'âme au monde de la mort, au collectivisme, mais par un canal nouveau qui vient maintenant ajuster. L'individu aimait des choses, et puis à un moment donné, il avait encore le goût d'aimer ces choses-là, et immédiatement, clic, clic, clic, clic, clic, il perd cette vibration, il perd ce goût. Un peu comme quelqu'un qui, à un moment donné, lorsque c'est le temps, lorsque l'ajusteur de pensée considère, donc lorsque l'intelligence supramentale considère que votre corps physique est maintenant suffisamment solide pour que vous puissiez supporter le stress de la vie, vous allez prendre une cigarette en tant que fumeur, l'allumer, la mettre dans votre bouche, respirer, puis rien trouver de particulier. Vous êtes déconnecté. Alors lentement, vous recommencez, vous n'avez pas le goût. Vous la jetez, et puis... comme ça, sans problème, le fumeur cesse de fumer. Parce que c'est le temps. Ceux qui fument, bien souvent, ont un corps physique et une âme juste insuffisamment ajustés et ils sont un petit peu trop hauts en vibration comparativement à ce que le corps peut supporter. En fumant, ils se terrestrifient, ils se ground, ils se densifient et ça supporte mieux. À un moment donné, notre ego, donc la mémoire de la création de notre corps, la mémoire aussi qui est inhérente à toute la matière qui constitue notre corps et qui contient des archétypes, des vieilles formes du passé. cet égo constitué de cela va commencer, étant donné qu'il est maintenant déconnecté à la source première, le monde de la mort, le ciel, va commencer à être instruit par des énergies neuves. L'ego va expérimenter le neuf. L'ego expérimentant le neuf perd le contact avec la tradition. Et lentement, l'ego va finir par éclater. Qu'est-ce que c'est éclater? L'âme est le pire ennemi de l'esprit. Parce que l'âme est, chez l'être humain, dans la majorité des cas, un véhicule expérientiel qui expérimente des choses. C'est différent entre expérimentable. Lorsque l'homme expérimente le contact avec l'intelligence, il la mémorise. La mémorisant, par la suite, l'ego se sert de la mémoire et se prétend être l'esprit. L'éclatement de l'âme apparaît chez l'humain lorsque l'être humain a la faculté d'observation. Lorsque l'être humain est capable mentalement, et même s'il ne sait pas que c'est mental, lorsque l'être humain est capable d'observer qu'il a peur, d'observer qu'il est heureux, mais d'une façon différente, pas parce qu'il exprime dans son corps physique, d'observer qu'il est angoissé, d'observer qu'il est gêné. Et lorsque l'être humain est capable de trouver que ce n'est pas écologique, il a un ajusteur de pensée opérationnel suffisamment puissant qu'il commence à instruire son ego. Commençant à instruire son ego, il commence la négoïsation. L'éclatement de l'âme se fait comment? Nous sommes dans une époque d'humanité qui s'est déjà vue à des stades différents, sous d'autres octaves de l'évolution. On a do, ré, mi, fa, sol, la, si. Quand on retouche do, c'est do, parce qu'on l'appelle do. Mais ce n'est pas le même octave, c'est donc pas la même note. Il y a une similitude vibratoire, un octave différent. On ne recommence pas. Nous sommes dans une époque humanité ascendante, évoluante. Énergétiquement, ça monte, la conscience se développe, où l'ego, l'âme, devra subir une immense mutation. Du point de vue de la tradition, tout ce qui est traditionnel sera remplacé par quelque chose de neuf, de plus frais, de plus proche de l'instantané, de plus proche de la réalité. Des archétypes, les vieilles formes, seront remplacés par des néotypes, des nouvelles formes. Ça restera de la mémoire. Et cette expérience sera quelque peu traumatisante pour l'ego, qui devra de toute façon éclater et disparaître, mourir. En réalité, les constituants de l'ego ne disparaissent pas. Ce qui est constitué disparaît. Nous prenons une planche de bois et nous la mettons au feu. La structure atomique de la planche ne disparaît pas. Ce qui est constitué avec la planche, elle disparaît. Ça fera de l'engrais peut-être. Du gaz carbonique. Et les plantes et les arbres constitués de bois ont besoin et d'engrais, de potasse et de gaz carbonique. Lorsque l'ego est assujetti à des archétypes, parce qu'il est constitué à même ces archétypes, ces vieilles formes, lorsque l'ego prie Dieu, prie des dieux, lorsque l'ego a de l'espoir entre dans le salut par des phénomènes extraterrestres. Lorsque l'ego a l'espoir d'un salut parce qu'il s'est assujetti à respecter des lois divines, écrites par l'homme, transmises par l'homme à travers le temps. Lorsque l'ego se fie à la science, lorsque l'ego se fie à l'espoir, lorsque l'ego se fie à l'homme, lorsque l'ego se fie à l'histoire, eh bien, à un moment donné, l'intelligence supramentale, qui par le biais des égrégores de toutes les religions, donc de tous les dieux théologiques, de ce monde de la mort et de cette conscience collective, l'intelligence supramentale qui par le biais de cela, va animer les humains, les animaux humains et les humains, à vivre une expérience tellement désagréable, où les égaux qui croient à la science vont se rendre compte que la science est en train de les détruire, où les égaux qui croient en Dieu vont se rendre compte que Dieu, finalement, n'a pas l'air à s'intéresser du tout à leur sort. Où les égaux vont finalement devoir se rendre compte de l'inutilisabilité de tout ce qui est passé. Cela a été utile, cela a été bon. Nous passons maintenant à l'école secondaire. Les petits dessins tempés dans nos cahiers, c'est fini. Et on va dire, c'est pas humain. On devra savoir de par nous-mêmes si nos notes sont bonnes. On ne nous le dira plus. On commence à telle heure, on a le même professeur, on passe la journée, il nous dit quand pisser, quand les frères faire nos récréations, quand dîner, il nous surveille même à l'heure du dîner, puis on paye pour, parents. Fini! Passe à l'école secondaire. Quand la cloche sonne, tu as 5 minutes pour changer de classe. Le prof peut être en retard, c'est un dieu. Toi, tu n'as pas le droit. Si tu n'es pas à ton cours, ça paraît pas trop. Manque pas le premier qu'on prenne ta présence. Les autres, ça paraît pas trop. Et tu as beaucoup plus de disponibilité. Mais l'élève doit se prendre en main, sinon il va couler. Qu'est-ce que c'est couler? C'est recommencer, recommencer, recommencer ou traîner en arrière. Alors, nous allons prochainement passer à l'école secondaire. Faites-vous-en pas, il n'y a pas de cégep avant l'université, c'est un système éducationnel qui est intelligent. Ils n'ont pas pensé à mettre le cégep pour empêcher les étudiants, quand il y en a trop, de se présenter à l'université. Il y a assez d'écoulés avant. Alors, lentement, toute l'humanité sera confrontée à voir le passé comme étant une illusion. Les dieux vont tomber. La science perdra de sa puissance. L'homme sera déchiré entre lui-même et l'ego, quelle que soit sa filialité, avec une religion, une école initiatique, une école traditionnelle, un dieu, des anges, les hiérarchies célestes, avec un égrégore, Marie, Joseph, ou ce qu'on voudra, Krishna, Bouddha, Rama, Abraham, Moïse, Jacob, quelle que soit sa filialité, il sera confronté à se rendre compte que le passé n'existe dans notre présent que dans notre tête et dans notre âme. Alors l'âme sera confrontée à devoir, si elle veut survivre, rejeter, éjecter tout ce qui est vieux pour être reconstitué à partir de l'événement neuf. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura un éclatement extraordinaire de tout ce qui constitue l'âme, sauf son enveloppe, le périsprit, le séraphin, appelons ça comme on voudra. Alors, d'ici quelques temps, l'être humain, majoritairement sur la planète, subira cet éclatement de l'âme. Il se retournera contre lui parce qu'il dira, si Dieu ne vient pas, c'est de ta faute. Les peuples religieux, les sectes religieuses feront cela. La science se retournera contre l'homme pour dire, exterminez cette gang de cons. Ils ne sont pas assez logiques. Leur religion leur nuit. Et lentement, pour arriver à survivre, du neuf. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'après quelques 2, 3, 4 à 10 ans d'éclatement de l'âme massif, tout ce qui restera chez l'homme sera neuf. Tous ceux qui n'ont pas d'ajusteur de pensée, donc de relation avec de l'intelligence, seront un peu comme des zombies. Ils ne se suicideront plus. Il n'y aura plus d'âme. L'âme ne voudra pas tuer le corps pour regarder le monde de la mort. Ils seront neutres, sans souffrance. Et l'intelligence ira les ramasser, si leur génétique est suffisamment puissante. Tous les autres, il n'y en aura quand même quelques millions, quelques milliards. Ce n'est pas 144 853 élus, ce n'est pas pour tout de suite. Les autres seront adaptables du point de vue amique, et ce qui constituera leur expérience traditionnelle sera le neuf, ce qu'ils viennent de vivre. De quelle façon l'intelligence prévoit-elle d'éliminer la grande partie de la mémoire dans la matière? Parce que l'homme étant constitué de matière, s'il continue à remanger des aliments, il va se reconnecter à ses vieux égrégores. Vous savez que quand un peuple, prenons l'exemple des Britanniques qui envahissent l'Inde, quand un peuple envahit un autre pays et veut s'installer pour le coloniser, les Anglais font venir leurs vêtements d'Angleterre, même s'ils restent aux Indes. Ils font venir une grande partie de leurs aliments d'Angleterre, même s'ils restent aux Indes. Pourquoi? Parce qu'ils doivent manger des aliments typiques du pays d'où leur égrégore est connecté. Parce que sinon, ce n'est pas long qu'ils deviennent hindous. Puis, l'Empire britannique. Ça n'intéresse plus. Alors, de même, la matière devrait être purifiée. Et cette matière devrait être purifiée comment? En 1900, début 1940, les recherches scientifiques ont permis de prouver que toute la mémoire de la matière peut être totalement perturbée par de la radiation. À un point tel que même la mémoire cellulaire, génétique, est totalement perturbée. Qu'un corps physique en parfait état, si on l'expose à des radiations, change. On appelle cela des cancers ou des tumeurs, sinon la mort. Tout change. La matière ne se rappelle plus quelle est la forme. Elle, si elle a encore la faculté de se reproduire, elle se reproduit un peu n'importe comment. Sinon, elle ne se reproduit même plus. Les cheveux tombent, tout le corps se défait. Et si on a un enfant, on transmet une génétique en mutation inférieure, tout s'oublie. La mémoire constituant le corps a été altérée, neutralisée, remise à neuf. Et toute la matière d'une région change. Hiroshima, génial. Nagasaki, génial. Mais les retombées nucléaires au Japon ont brûlé une grande partie des mémoires traditionnelles du Japon. Et le Japon, jusque leur féodal, se lance en affaires. Les bombes étaient américaines. Et nécessairement, le Japonais devient américain. Et il se lance en affaires, il rêve d'être comme l'Amérique et plante l'Amérique. Nécessairement, l'intelligence manipule les collectivités. Or, l'individu qui, à un moment donné, vit un éclatement de l'âme avant l'éclatement collectif, devient utile à l'intelligence. Devenant utile à l'intelligence, il devient protégé par l'intelligence. L'extérieur ne vous atteindra plus. L'extérieur, si quelqu'un décide de te sauter dessus, l'être humain n'a pas de libre arbitre. L'intelligence manipule son égrégore. Il ne te sautera pas dessus, l'intelligence ne le veut pas. Si tu te prends trop sérieux, peut-être qu'il va te sauter dessus de façon à donner au peu d'écho qui te reste une claque, un petit éclatement de plus. Et ces individus qui vivront un éclatement de l'âme d'ici les 10 prochaines années? C'est drôle. Ils ne sauront pas pourquoi. À un moment donné, ils vont s'en aller quelque part. Et où ils étaient, les problèmes vont commencer. Ils seront toujours au bon endroit, au bon moment. Pas besoin de prévoir. C'est inutile. Ils sauront. Ça ne parlera pas dans leur tête. Ils vont subitement avoir le goût, disons, d'aller dans un autre pays, ou de monter vers le nord, ou de voyager à le visiter grand moment. À un moment donné, la vie va les fatiguer dans leurs emplois. Ils vont être claqués, ils vont faire un burn-out. Ils vont brûler à l'intérieur. Et un voisin, quelqu'un va leur dire, « Écoute, ben, j'ai un chalet à Saint-Adolphe d'Howard, veux-tu une semaine? » Ah, il veut pas. Finalement, il est malade, il n'en peut plus. Ah, il finit par accepter, il monte dans son chalet, puis il apprend par la radio qu'il n'y a plus de radio à Montréal. C'est simple. L'être humain continue à espérer qu'il n'y aura pas d'apocalypse. La pollution est déjà un apocalypse. Et si on cesse toute pollution, on en subira les contre-coups pendant les 50 prochaines années. Et comme on ne cessera pas tout de suite, le corps devra s'adapter pour que l'extérieur ne soit plus polluant pour lui. Quel genre de polluants est de plus en plus répandu? Des polluants qui, justement, changent la mémoire. Ils sont cancérigènes. Ils attaquent la mémoire vitale des corps physiques. Tous ceux qui ont le cancer changent psychologiquement. L'expérience du cancer ainsi que l'agression de l'énergie et la radioactivité, de plus en plus présente, aident. Lorsque l'ajusteur de pensée à l'intérieur de n'importe quel être humain, comment savoir si on fait partie de ceux qui peuvent vivre un éclatement de l'âme avant l'éclatement majeur? Même Saint Jean de Patmos dit, « Il n'y aura plus de mort. Ceux qui voudront trouver la mort se tueront et ne trouveront même pas la mort. » Non! Le monde de la mort et de la mémoire, il sera détruit. C'est pourquoi les dieux ne nous viendront pas en aide. Celui qui se tire une balle dans la tête à cette époque se réincarne immédiatement dans quelqu'un d'autre. Il ne peut pas faire la mort. Il continue à souffrir. Celui qui vit un éclatement de l'âme hanté, apocalypse, quelle que soit la structure de l'Apocalypse, comment on peut avoir une idée? C'est simple. Si on est capable d'accepter du neuf sans être frustré, on est sur un chemin de libération. Il y aura des conflits dans l'ego, dans l'âme, entre l'esprit, entre la logique, entre l'intelligence et l'émotion. Il y aura des doutes perturbateurs. Perturbateurs, oui, qui permettent l'éclatement de l'âme. Ce n'est pas perturbateur du point de vue évolutif. Oui, mais mon corps est devenu malade. Il se solidifie. Et présentement, il a de la difficulté à résister à l'agression énergétique qui le mute. Il n'y a pas d'intelligence à être malade, sauf si c'est intelligent d'être malade. Il n'y a aucune intelligence à se faire ouvrir le ventre, sauf si on a un appendicite aigu. Alors, il y a un chirurgien qui vous fera une appendicectomie. Si on ne voit pas le chirurgien, qu'on ne voit pas l'appendicite, qu'on fait juste souffrir, puis qu'en plus, il y a un torieux qui vient nous ouvrir le ventre, alors franchement, on se demande où c'est que l'intelligence. Ce qu'on ne sait pas, c'est que deux semaines après, on ne souffrira plus. Et déjà, en plus, le fait d'avoir mal aux dents sans se faire mettre des pinces de métal pour se garder la boîte ouverte, puis se faire jouer dedans par un gars qui te met une pompe, qui jase avec l'infirmière, puis qui ne te regarde même pas, puis qui tripote en piquant un peu partout, puis en tirant. Mais si on ne voit pas tout ça, si on a un esprit non-britique, on ne voit pas l'intelligence de cette immense souffrance. Je l'ai déjà dit. La vie, les larmes, c'est une rose. Et c'est cute. C'est bourré d'épines. Et l'esprit doit l'ôter. Alors, il l'apprend un petit peu, un peu chaque jour. Il souffre toute sa vie de ses épines. Ou il l'apprend à pleine main, il l'arrache et la jette. Il saignera. Et puis, il y a pas de problème après. Si on est capable d'accepter le neuf, qu'est-ce que ça veut dire accepter le neuf? Ça ne veut pas dire considérer tout ce qui est neuf comme étant réel, disons vrai. Non. Ça veut dire que lorsqu'on entend parler d'un film comme La dernière tentation du Christ, puis peut-être lorsqu'on va le voir, puisqu'on se rend compte que finalement, pas si pire que ça, que les gens chialaient pour rien, c'est un rêve qu'il a fait. En plus, on dit que c'est une histoire. Si ça ne nous dérange pas, on accepte le neuf. On peut considérer que c'est peut-être ça qui est arrivé, que c'est peut-être pas ça qui est arrivé, mais on accepte le neuf. Si un jour on découvre que la Bible a été écrite pas mal plus proche de notre temps que nous pensions, c'est comme le suaire que j'appelais souvent la guenille. Il y a un suaire, il y a une guenille qui a été irradié par le corps éthérique du Nazaréen lorsqu'il a dissous son corps de matière dans le tombeau, quelques heures après qu'on l'y ait placé. La guenille. Archéologiquement, on se rend compte qu'il aurait été créé, fabriqué, autour des ans 1400, après la naissance du Nazaréen. L'individu, qu'est-ce qu'il fait? Il découvre cela. Et voilà, début d'éclatement de l'âme. Et on peut dire que les savants sont cons. C'est ça. Les savants vont dire les croyants sont cons, les croyants vont dire les savants sont cons, ce qui va engendrer des guerres scientifiques et des guerres saintes. Chaque fois qu'on a la faculté d'accepter du neuf, on développe notre ajusteur de pensée, on atténue l'éclatement de l'âme par instruction de l'âme, c'est moins souffrant. On peut instruire son ego. Et on peut ne pas l'instruire. Si on ne l'instruit pas, il subira l'éclatement, l'agression massif de l'énergie supramentale, le palier le plus bas des cieux, c'est autre chose que le ciel, de l'intelligence. Si on est capable d'instruire notre ego, cela veut dire que nous sommes bâtis pour pouvoir le faire. Et l'éclatement de l'âme se fera par une fonte de l'ego. La fonte de l'ego est beaucoup moins souffrante. On a le choix. On accepte le neuf, on travaille dans le but de concevoir des choses neuves, on travaille dans le but de transformer toutes nos croyances en concepts, toutes nos fois en concepts, en possibilités, en théories. Et lorsque nous vibrons en quelque chose de différent, nous transformons la vieille théorie par la neuve. Sinon, un jour, nos croyances et nos fois éclateront en mille morceaux, notre âme avec. On fait une pause d'une quinzaine de minutes. Vous avez des questions sur le sujet, des commentaires ou des questions sur n'importe quel sujet, vous les amenez par écrit.